الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, je suis arrivé la dernière fois à la sixième condition, à savoir l'équité. Celui qui doit qui critique les savants, les douats ou les livres doit se parer de cette qualité, à savoir l'équité et la justice. Et je cite à ce titre une règle fondamentale, une règle très importante que les savants du hadith ont établie et qui permet de comprendre certaines critiques adressées par certains savants à d'autres savants. Cette règle est la suivante. Kalamul aqrani yutwa wa la yurwa. Les critiques lancées par les aqran, les uns contre les autres, doivent être tues et ne doivent pas être publiés. Les aqran sont les savants qui sont contemporains les uns des autres et qui rivalisent les uns avec les autres. Ils rivalisent de science, de notoriété et de mérite. Ce sont ceux-là les aqran. Écoutez bien ce qu'a dit l'imam Al-Zahabi sur cette règle. C'est que l'imam Zahabi est un grand savant du Jarh al-Ta'dil, est un grand savant du hadith. Il a dit: Kalamul aqrani بعضهم في بعض لا يعبأ به. Les critiques que les rivaux se lancent les uns contre les autres ne doivent pas être prises en considération. لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو مذهب أو لحسد. Surtout s'il t'apparaît que le motif de ces critiques est soit l'inimitié, l'appartenance à un madhhab ou la jalousie. Ma yanjou minhu illa man asama Allah. À ma connaissance, aucune génération n'a été à l'abri de ce mal, n'est à l'abri de ce fléau que celui qu'Allah a préservé. Ma yanjou minhu illa man asama Allah. Wa ma alimtu anna asra min al-a'sari salima ahluhu min dhalik. À ma connaissance, aucune génération n'a été à l'abri de ce mal. Siwa al-anbiya'i wa al-siddiqin. À l'exception des prophètes et des véridiques. Walau shi'tu lasaradtu min dhalika kararis. Et si je voulais, je pouvais remplir des livres entiers de ce genre de critiques. Il a dit ça dans son kitab, Mizanul I'tidal, le volume 1 et la page 111. Beaucoup de frères, surtout ceux qui collectionnent les redoudes, les réfutations, ils entendent ou lisent les répliques sévères que certains savants ou certains douats qui ont un même niveau de ilm se lancent les uns contre les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divisent. Ces frères-là se divisent entre eux. Certains frères se rangent du côté d'un savant ou d'un daïa, les autres se rangent du côté de son rival, et d'autres demeurent perplexes, ne savent quoi faire ou finissent par condamner tout le monde. Puisqu'ils ne sont pas armés de science, ils ne savent pas quelle position prendre. Or, il se peut que l'origine de cet échange de critiques soit la jalousie, la rivalité ou la colère aussi. Écoutez cette recommandation précieuse de Abdullah ibn Abbas que rapporte Ibn Abd al-Barr dans son livre Jami' al-Bayan, l'ilm wa fadlih. Il a dit, regardez, suivez bien ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Qal, استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. Retenez la science des savants et ne croyez pas aux critiques qu'ils s'adressent les uns contre les autres. فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من الطيوس في ظربها. Par celui qui détient mon âme dans sa main, ils sont plus jaloux les uns des autres que ne le sont les boucs dans leur enclos. Vous savez, les boucs, ils se disputent, ils se donnent des cornes. Il a assimilé ça. Pareil, les savants, ils se lancent des critiques parfois sévères. Donc, on prend le savoir des savants, on prend leurs enseignements, mais on ne doit pas se tourner vers les critiques qu'ils se lancent les uns contre les autres, surtout si l'origine de ces critiques est soit l'envie, la jalousie, la rivalité. Beaucoup de frères ont cette manie de collectionner les répliques et les critiques des savants et des douats les uns contre les autres. Leur seule occupation est celle-ci. Ils ont perdu des années dans leur vie, des années de leur vie dans cela. Les années passent sans qu'ils n'apprennent aucune sourate supplémentaire du Coran. Ils n'ont rien appris du hadith. Ari, quand on lui dit, voilà, une séance de leçons, une série de leçons sur le fiqh, le usul, le hadith, le tafsir, les règles de récitation du Coran. Mais lui, il ne prend rien de tout cela. Tout ce qu'il cherche, ce sont les redos, les répliques, les ré critiques, les réfutations. Ça, Ari, c'est un faux ménage, c'est une fausse voie. Ça conduit à la médisance. Comme a dit l'imam Sofiane al-Thawri. Qui ne connaît pas Sofiane al-Thawri? Sofiane al-Thawri, c'est l'émir al-Mu'minin fil hadith. C'est l'un des grands savants du hadith. Il est né en 97 de l'Hégire et il est mort en 161 de l'Hégire. Écoutez, mon frère, écoutez, cher frère, ce qu'a dit ce grand imam. Il a dit, « «Inda dhikri salihina tanzilu rahma». » Lors de l'évocation, lors de la mention des noms des gens pieux, la miséricorde descend. وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ أَخْبَارِهِمْ إِلَّا مَا بَدَرَ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي بَعْدٍ عَلَى الْحَسَدِ وَالْهَفَوَاتِ وَالْغَضَبِ وَالشَّهَوَاتِ دُونَ أَنْ يَعِيَ بِفَضَائِلِهِمْ حُرِمَ التَّوْفِيقَ وَحَادَ عَنِ الطَّرِيقِ. Il a dit, celui qui n'a retenu des informations les concernant que les réactions hostiles qu'ils ont eues les uns contre les autres et dont les causes sont soit la jalousie ou des erreurs d'appréciation, la colère ou la passion, et n'a pas tenu compte, et n'a pas tenu compte de leur mérite, sera privé du succès spirituel, entrera dans la médisance et dévira de la voie. Ça, c'est Ibn Abd al-Barr qui le rapporte dans Kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih dans le volume 2, la page 162-163. Il y eut même entre les compagnons des échanges de critiques. Il y eut entre Aïcha, il a démenti Ibn Omar, Aïcha et Anas, Ibn Malik, Imr Ibn Hussein, Samur Ibn Jundab, l'imam Ibn Abd al-Barr. On a cité des exemples dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Et quand il les a cités, il les a conclus par cette parole. Qal. وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا. Il y eut entre les compagnons de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم et entre d'éminents savants des échanges de critiques plus sévères encore lors de la colère, mais les gens dotés de compréhension, de science et de discernement ne se tournent pas vers de telles choses. Ne se tournent pas vers de telles choses. ولكن أهل الفهم والعلم والميز لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم بشر يغضبون ويرضون والقول في الرضا غير القول في الغضب. Ils sont sujets à la colère car ils sont des êtres humains. Ils sont sujets à la colère et à la satisfaction. Or, on ne parle pas de la même manière quand on est satisfait et quand on est en colère. Donc, on ne juge pas les savants sur la base des critiques qu'ils s'adressent les uns contre les autres à cause de la jalousie ou de la colère. Saïd ibn al-Musayyib est un noble tabi'i, grand tabi'i. Il a vécu avec les compagnons, il a retenu de leur science. Et Ikrima est un noble tabi'i, il est l'élève de Abdullah ibn Abbas. Et pourtant, Saïd ibn al-Musayyib s'en est pris à la réputation d'Ikrima. Il a attaqué. Ikrima a réagi de la même manière. Va-t-on rejeter et qui? Saïd ibn Musayyib ou Ikrima? Non. Nous reconnaissons leur mérite. Nous les aimons tous. Nous adoptons leur voix et leurs enseignements. Nous adoptons l'héritage qu'ils nous ont légué et nous ne donnons pas de grande importance à ces critiques-là, à ces disputes-là. Il y a des choses de ce genre entre l'imam Malik et Ibn Ishaq. Entre l'A'mash et Abu Hanifa, entre Qatada et Yahya ibn Kathir, il y a des cas comme ça entre Ibn Ma'in et Shafi'i, entre Hamad ibn Abi Sulayman, il a critiqué Atta, Taous et Mujahid, et pourtant ils sont tous nos salafs. Si on n'applique pas cette règle, on tombe dans la confusion et on se perd. On risque de récuser l'honorabilité de tous les savants à cause de ça. Dans son livre Tabaqat al-Shafi'iyya, et plus précisément dans la Tarjama, dans la biographie de Ahmed ibn Salih al-Misri, le savant Tajuddin al-Subki a dit al-hadharu kull al-hadhari an tufhama an qa'idatuhum al-jarh muqaddamun ala at-ta'dil ala itlaqiha. Il a dit, il ne faut pas comprendre que la règle des muhaddithines, la récusation l'emporte sur la réhabilitation, la récusation l'emporte sur l'attestation d'honorabilité. Il a dit, cette règle, on ne doit pas la comprendre de manière exclusive. C'est-à-dire que cette règle ne doit pas être appliquée de manière exclusive. بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته il est plutôt pertinent de dire que celui dont l'imam en matière de science et d'honorabilité sont bien établis أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحه وندر جارحه sont bien établis ceux qui le louent sont nombreux tandis que ceux qui le critiquent sont peu nombreux وكانت هناك قرية دالة على سبب جرحه من تعصب المذهبين أو غيره tandis que ceux qui le critiquent sont peu nombreux, j'ai dit, et qu'il existe des indices qui expliquent le motif de la critique, à savoir l'attachement à un madhhab ou à un autre motif, لم يلتفت إلى جرحه, on ne doit pas tenir compte de sa critique. On ne doit pas tenir compte de la critique de quelqu'un dont le motif de la critique, la raison qui l'a poussé à critiquer, c'est le ta'assoub d'une des madhhab ou autre cause. À l'encontre de quelqu'un qui est connu, dont l'imama et dont l'honorabilité sont établis, sont connus, sont de commune renommée. Il a dit aussi, « قد عرفناك أن الجارحة لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعته على معاصيه ومدحه على ذمه ومزكوه على جارحه إن كانت هناك منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء أو غير ذلك. Il a dit, nous t'avions expliqué dans le cas suivant que dans le cas suivant la critique n'est pas acceptée du savant qui l'a faite même si celui-ci en a expliqué les raisons. Quel est ce cas? Le cas est le suivant. Quand les bonnes actions de la personne récusée, critiquée, prédominent sur ses mauvaises actions, quand ses laudateurs, ceux qui le louent, sont plus nombreux que ceux qui le blâment, et quand ceux qui recommandent de prendre la science de lui sont plus nombreux que ceux qui le récusent, et s'il existe une rivalité dans les choses de la vie entre les deux, c'est-à-dire entre le jarih, celui qui critique, et le majruh, le récusé. Comme ce qui existe entre ceux qui ont un même niveau de science ou une autre raison. كَمَا يَكُونُ بَيْنَ النُّظَرَاءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُلْتَفَتُ لِكَلَامِ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ فِي أَبِي حَنِيفَةَ Il a dit à partir désormais, on ne tiendra pas compte, on ne donnera pas de l'importance des propos tenus par l'imam Thawri et autres contre l'imam Abu Hanifa. وابن أبي ذئب وغيره في مالك نيدوس كادي ابن أبي ذئب et autres au sujet de مالك وابن معين في الشافعي نيدوس كادي ابن معين au sujet de الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح نيدوس كادي النسائي au sujet d'Ahmad بن صالح etc. Et si, ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. Et si nous faisions prévaloir la critique sur la réhabilitation, aucun des imams de la science ne sera épargné, car tout imam a été critiqué et attaqué, et à cause de lui, certains ont été voués à la perdition. Tabaqat Shafi'iyya, volume 1, et la page 190. Donc, on ne doit pas se tourner vers les critiques quand la cause de la critique est la rivalité, comme ce qui s'est passé entre, a donné l'exemple de Nasa'i qui a critiqué Ahmed ibn Salih. Qu'est-ce qui s'est passé entre Nasa'i et Ahmed ibn Salih? Nasa'i, c'est un grand savant, ce n'est même pas la peine de vous dire qui est l'imam Nasa'i, Al-Hafid, l'auteur des Sunan. Et Ahmed ibn Salih est un imam dans le hadith. L'histoire, c'est que Ahmed ibn Salih n'accepte de transmettre le hadith à quelqu'un que si celui-ci lui ramène deux hommes musulmans intègres qui témoignent qu'il fait partie des gens pieux et honorables. Voilà la condition de Ahmed ibn Salih. Il est un cheikh, il dispense le hadith, mais il dit, n'importe qui vient chez lui, il faut d'abord qu'il ramène deux témoins intègres qui disent que tel qu'il est vraiment digne de confiance. Et un jour, l'imam Nasa'i est venu Il entra chez lui, il entra chez Ahmed ibn Salih, sans autorisation, sans témoin. Il voulait assister à ces leçons de hadith. Et Ahmed ibn Salih ne l'a pas reconnu. Et il a donné l'ordre de le chasser. Il a dit, jetez-le dehors. Nasa'i garda un ressentiment contre Ahmed ibn Salih. Et il l'a récusé son autorité canonique. Il l'a qualifié de da'if dans le hadith. Mais les savants ne tiennent pas compte de la récusation, de la critique d'An-Nasa'i à l'encontre de l'imam Ahmed ibn Salih à cause de cette histoire qui prouve qu'il y a eu une rivalité, il y a eu des ressentiments entre les deux. L'équité consiste à être juste même avec les mubtadi'a, même avec les innovateurs. Les mubtadi'a, tant que sa bid'a ne le sorte pas de l'islam, hein, il demeure un musulman. Et le musulman a des droits sur nous. Il faut respecter les droits du musulman. Mubtadi'a ou pas mubtadi'a. Le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit: كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدع سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم. Il a dit quiconque croit en le message que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté est meilleur que quiconque le renie, même s'il existe chez celui qui croit en le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une sorte de bid'a, qu'il s'agisse de la bid'a des kharijites ou des chiites ou des murji'a ou des qadariya ou autres. Majmou al-Fatawa, volume 35, page 201. Et écoutez ce qu'il a dit encore. وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار. Il a dit beaucoup d'innovateurs, beaucoup de mubtadi'a musulmans, parmi les rafida, les chiites et les jahmites et autres, sont allés au pays des mécréants. فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك. Et par leur intermédiaire, par l'intermédiaire de ces mubtadi'a, beaucoup de gens ont embrassé l'islam, qui leur apporta beaucoup de bien, et sont certes devenus des musulmans mubtadi'a, وصاروا مسلمين مبتدعين, وهو خير من أن يكونوا كفارا. Il a dit, ils sont certes devenus des musulmans mubtadi'in, mais il vaut mieux qu'ils soient ainsi que d'être des mécréants. Il vaut mieux qu'ils soient un musulman mubtadi', muwahhid mubtadi', tant que sa bid'a ne l'exclut pas de l'islam, que d'être un mécréant qui va être éternellement en enfer. C'est logique. مجموع الفتاوى, volume 13, et la page 96-97. وقال أيضا, et il a dit aussi, والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد. Parmi les chiites, les rafida, là on ne parle pas des rafidites extrémistes, les rawafid, ceux qui divinisent Ali Hado, ils sont exclus de l'islam. Ils parlent des chiites qui sont encore dans le cercle de l'islam, qui dans la bid'a ne les a pas fait sortir de l'islam. C'est-à-dire qu'ils ne divinisent pas Ali, qu'ils ne disent pas que Fatima a un Coran qui lui est propre, qui lui a été révélé, des choses blasphématoires de ce genre. قال والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد. Parmi les Rafida, il y a des gens qui sont portés à la dévotion, scrupuleux et ascètes. لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء, mais à un degré plus faible que les autres gens de la patience, c'est-à-dire les 72 sectes. من أهل الأهواء. فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين. Il a dit les Mu'tazilites sont plus intelligents qu'eux, plus savants et plus pieux. والكذب فيهم أقل منهم في الرافضة. Les Mu'tazilites sont plus intelligents qu'eux, plus savants, plus pieux et moins enclins à mentir qu'eux. C'est-à-dire les chiites sont connus pour le mensonge. والزيدية من الشيعة خير منهم أقرب إلى الصدق والعدل والعلم. Les Zaydites parmi les chiites sont meilleurs que les Rafidites ils sont plus proches de la vérité, de la justice et de la science. Il ne faut pas comprendre par là qu'Ibn Taymiyyah cherche à faire un rapprochement entre les sunnites et les bid'as comme les revendications qu'on entend aujourd'hui. Non, mais seulement il les traite avec justice. Il n'y a parmi les adeptes d'opinion arbitraire, c'est-à-dire avec les adeptes des passions, les non-sunnites, il n'y a parmi les adeptes d'opinion arbitraire une secte plus sincère et plus portée à la dévotion que les kharijites. Il a dit, on ne trouve pas parmi les sectes une secte qui est plus porté à la dévotion et à la sincérité que les kharijites. Wa ma'a hadha fa ahlu sunnati yasta'miluna ma'ahum al-'adla wal-insafa wa la yadhlimunahum. Et pourtant, les gens de la sunna agissent à leur égard avec justice et équité et ne les traitent pas injustement. Fa inna adh-dhulma haramun mutlaqan kama taqaddam, car l'injustice est interdite de manière absolue comme nous l'avons souligné précédemment. بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض. Les gens de la sunna se comportent envers chacune de ces sectes mieux qu'elles ne se comportent les unes envers les autres. بل هو للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض. Bien plus, les gens de la sunna se comportent envers les rafidas mieux et plus équitablement que ne se comportent certains groupes de rafida envers les autres, les uns envers les autres. D'ailleurs, eux-mêmes le reconnaissent. Et disent aux gens de la sunna, vous nous rendez justice. Vous nous rendez justice plus que les uns de nous ne rendent justice aux autres. ما لا ينصف بعضنا بعضا. Il a dit ça dans le kitab Minhaj Sunna Nabawiya, le volume 5 et la page 157. Maintenant, comparez ce qu'a dit Ibn Taymiyyah avec la réalité des gens de la Sunna aujourd'hui. Avec certains frères, malheureusement, certains. Non seulement ils sont injustes avec les Mubtadi'a, mais avec leurs propres frères. Ils sont injustes dans leur comportement à leur égard, injustes dans leur jugement, injustes dans leur critique. Subhanallah, il qualifie son frère sunnite de mubtadi juste parce qu'il n'est pas d'accord avec lui, sur un point où qu'il ne se réclame pas de son cher. Parfois, il le taxe de mubtadi en se fondant sur des présomptions. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ramène les textes sur l'attitude des salafs envers les mubtadi'a, les propos des salafs, leurs réactions et leurs positions, qu'ils les mettent à l'index, qu'ils ne leur adressent pas la parole, et ils prennent les propos de Saïd ibn Jubayr, Malik ibn Mirwal, Auza'i ibn Shawzab, Malik ibn Anas, les paroles du genre je n'occuperai pas le même endroit qu'occupe un moubtadi' sauf la mosquée, ou comme a dit Youssef ibn Asbat, regarder un homme d'innovation, c'est éteindre dans son cœur la lumière de la vérité, ou comme a dit Abu al-Azbas al-Khattab, si en sortant de chez toi tu rencontres un mubtadi', reviens car les démons l'entourent. Il prend ces textes-là et qu'est-ce qu'il fait? Il les applique sur son frère après l'avoir catalogué. Il ne lui adresse pas la parole, il le met à l'index, il met en garde les gens contre lui et il dit c'est comme ça que les salafs se comportaient avec les mubtadi'a. Mais, subhanallah, de quel mubtadi'a parlaient les salafs? Qui sont ces mubtadi'a que désignaient les salafs? Qui sont les mubtadi'a à leurs yeux? Ce sont les adeptes de grandes sectes, les kharijites, les chiites, les mu'tazilites et les murji'a, et les jahmites aussi. Ils se comportent avec rigueur avec les vrais mubtadi'a, dans les usuls de l'aqidah, dans les principes de la foi. C'est pas ton frère, il n'est pas d'accord avec toi sur un point, ça y est, tu le mets au même niveau que ces mubtadi'a là. Ils se comportent comme ça avec les grands mubtadi'a, des mubtadi'a du genre de Ma'bad al-Juhani, de Ghaylan al-Qadari, de Jahm bin Safwan, de Bishr al-Marisi, d'Abu al-Hudayl, al-Allaf, Ibrahim ibn al-Nazdam, Ibrahim Nazdam, al-Mughira ibn Sa'id, les d'autres, qui vraiment des gens qui sont, qui adoptent des doctrines erronées, graves, voire blasphématoires, et ils divisent la communauté, ils se séparent de la communauté en vertu de ces doctrines-là. Traiter son frère musulman, un pauvre ignorant, comme on traite ces égarés-là, wallah, c'est la pire injustice. A fortiori, s'il s'agit de quelqu'un qui est d'accord avec lui sur beaucoup de points, sauf sur un cheikh ou un petit détail. Comme condition également, il y a la douceur. Il doit se parer de la douceur. La douceur dans la critique. Quand on veut montrer à quelqu'un ses défauts, quand on réfute son opinion, il faut le faire avec douceur. يقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Il a dit, s'adressant à son prophète صلى الله عليه وسلم, grâce à une miséricorde d'Allah, tu as agi avec douceur envers eux. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient séparés de toi. Surat Al-Imran. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. حديث rapporté par مسلم. Il a dit صلى الله عليه وسلم Allah est doux, il aime la douceur et il octroie en contrepartie de la douceur ce qu'il n'octroie pas en contrepartie de la violence ni d'aucune autre qualité. Et il a dit à Aïcha, ya Aïcha, إن الله يحب الرفق إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. عائشة أو عائشة الله إيدو إيلا من la douceur dans toutes choses. Il a dit مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. عائشة, je te recommande de faire preuve de douceur et d'éviter les attitudes violentes et les propos grossiers. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع منه إلا شانا. Il a dit, partout où la douceur se met, elle est source de beauté. Partout où la violence se met, elle est source de laideur. Dans son livre, l'Atisam, le grand imam, l'imam Oswali al-Shatibi, cite cette belle remarque d'Abu Hamid al-Ghazali. Il a dit, rahimahullah, Abu Hamid al-Ghazali, « أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جهالة أهل الحق. » Il a dit, la plupart des idées fausses se sont enracinées dans les cœurs des gens du commun à cause de l'entêtement des sous, des stupides d'entre les gens de la vérité. أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلال. Ils ont montré la vérité dans un esprit de défi et d'humiliation. ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزدراء. Et ils ont regardé leurs faibles adversaires avec l'œil du mépris et du dédain. فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة. Ce qui stimule au fond d'eux, au fond des gens communs, l'envie de s'obstiner et de contredire et enracine dans leur cœur les fausses croyances. ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة. وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. Et il devint très difficile pour les savants affectueux, les savants compatissants, de les enlever des esprits des gens après que leur dégât s'était manifesté. Kitab al-Atisam, volume 2, et la page 230. C'est très important ce qu'a dit Imam Ghazali ici. Ils font fuir les gens. Ils connaissent la vérité. Il y a des frères qui connaissent la vérité. Ils savent que telle chose est une sunna. Ils savent que telle sunna, mais pour la propager, pour inviter les gens à la pratiquer, ils ne savent pas le faire. Ils manquent de sagesse et de politesse, surtout. Et quand ils veulent convaincre quelqu'un que tel acte est sunna ou tel acte est bid'a, c'est une catastrophe, wallah. Ils lancent des défis, je te défie de m'apporter des preuves du bien fondé de ce que tu dis. Et finalement, ça dégénère en querelle. Aux musulmans de se retenir, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable en douceur, de porter conseil en douceur, de critiquer avec objectivité et en douceur. Subhanallah, certains frères, leurs gestes, leurs paroles, leurs critiques, leur écriture trahissent une nervosité et une envie de nuire. Quand ils mettent leurs remarques sur un livre, ils mettent des traits rouges, des remarques en caractère gras, des points d'exclamation et des points d'interrogation géants qui prennent toute la page. Beaucoup de savants contemporains ont mis en garde contre cette tendance. On met en garde contre cette fitna qui consiste à critiquer, à taxer les gens de mubtadi', à les taxer d'égarés et d'hérétiques, à les donner des qualificatifs injurieux, etc., à ne pas être juste à leur égard dans la critique. Ils ont mis en garde, ils ont conseillé les talabat al-ilm, ils ont conseillé les jeunes de ne pas s'emporter dans cette fitna-là. Notamment le Cheikh Fawzan. Le Cheikh Fawzan, rahimallah, quand on lui a posé la question sur les savants du Jarh wa Ta'dil, il a dit les savants du Jarh wa Ta'dil sont dans les tombes maintenant. Aujourd'hui, il n'y a que, il a dit, aujourd'hui, il n'y a que la médisance, la calomnie. Il a dit ça quand il a fait le Sharh Sunna al-Barbahari. Explication de Kitab Sunna l'Al-Barbahari. Bekr Abou Zayd, il a beaucoup répliqué, il a beaucoup réfuté cette tendance-là. Nasser Al-Aql, des grands savants, de grands légendes, des savants qui font partie de Hay'at Kibar al-Ulama en Arabie Saoudite, partout dans le monde musulman. Le Daima de l'Ifta, le conseil permanent de l'Ifta de l'Arabie Saoudite, de grands savants, ils ont mis en garde contre cette tendance. Le Abd Mohsen Abed, qui est connu, qui est même reconnu par cette tendance-là, et qui est même le cheikh du chef de file de cette tendance-là du Jarh al-Ta'dil. Et pourtant, même lui, il a été critiqué. Beaucoup d'autres savants, ils ont conseillé les frères, les talabat al-ilm, de s'occuper de la science, de s'occuper de leurs défauts, de ne pas s'occuper des défauts des autres. Et quand il faut réfuter un mubtadi', il faut le faire objectivement, il faut être équitable à son égard. La critique doit être objective. Cheikh Al-Albani aussi, il a été Cheikh Al-Albani, rahmahoullah, lui aussi, il a mis en garde contre cette tendance-là. Et là, j'ai un extrait d'une cassette là, où un de ses frères là qui ont cette manie de critiquer, il est venu le voir. Il est venu le voir et lui a dit: Ô Cheikh, ya Cheikh, ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها؟ Il est venu voir le Cheikh et le but c'était en fin de compte de. Il avait dans la tête quelqu'un qu'il veut casser, qu'il veut taxer de mubtadi' et tout, et il veut légitimer ce qu'il veut faire, quoi. Il veut légitimer son tabdi'. Il est venu, bon, il a exposé la question. Déjà, dans la question, il y a des choses qui manquent d'objectivité et d'équité. Il lui dit, il ne cite pas le nom de la personne qu'il veut. Il ne cite pas. Il dit: ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها. Il a dit: que dites-vous sur quelqu'un qui a contredit les imams de l'islam dans une question à propos de laquelle ils étaient unanimes. وقامت عليه الحجة ولم يرجع. Et l'argument, on lui a fourni l'argument qui enlève toute excuse qui justifie son attitude, mais il n'est pas revenu. Il ne s'est pas repenti. Belzada ala dhalik. Il était allé même loin. Belzada ala dhalik annahu yamdahu ba'da as-sufiyya wal mufawwida. Il est allé loin, il est allé jusqu'à louer certains soufis et certains mufawwid. Mufawwid, c'est une secte. Wa yamdahu man yaqulu biqawli jahmin fil Qur'an. Et il loue celui qui soutient la doctrine de Jahm c'est-à-dire Jahm ibn Safwan, au sujet du Coran. Enfin, Jahm ibn Safwan soutient que le Coran est créé, contrairement à Aqidat al-Sunna. Il dit, il loue celui qui dit ça, qui soutient cette thèse, cette doctrine. Il loue celui qui critique les compagnons. Il attaque les compagnons. Il attaque aussi les prophètes. Et cette personne-là, il appelle ces gens-là qui soutiennent cette thèse du Coran, la doctrine du Coran, la doctrine de Jahm à propos du Coran, qui critique les compagnons et critique les prophètes. Il appelle ces gens-là à imma, des imams et des réformateurs. Wa yusammihim a'immatan wa mujaddidin. Bal wa yuthni 'ala ba'd az-zanadiqa alladhina abahu ar-ridda. Plus loin, il fait l'éloge de certains hérétiques qui ont autorisé, qui autorisent l'apostasie. Bien sûr, tout ça reste à vérifier normalement. الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة, qui ont autorisé l'apostasie et qui ont attaqué la doctrine. وطعنوا في العقيدة وفي الرسول وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أهل الحديث. Ils ont attaqué la aqida, le dogme saint des gens de la sunna, et ils ont critiqué l'envoyé d'Allah et qui ont critiqué les gens du hadith. Et cette personne là ويقول عنهم فيهم خير كثير, et il dit à leur sujet, il dit qu'il y a beaucoup de bien en eux. وسمى زيغهم وضلالهم اجتهادا, et il appelait leur déviation, leur égarement, il appelait ça اجتهاد. فقال وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم, il a dit quoi que nous nous émettions des réserves à propos de leur اجتهاد. Il voulait carrément salir sa réputation, il voulait vraiment le taxer de mubtadi', et là il cherche à ce que le Cheikh al-Albani approuve ce qu'il veut faire. Et là, il pose la question. فهل يكون هذا مبتدعا وهل نعينه ونقول فلان مبتدع. La manie de cette tendance. Il cherche à tout prix de taxer quelqu'un, de le jeter dans de le mettre dans une secte, même si c'est un réformateur, même si c'est un. Il a dit فهل يكون هذا مبتدعا وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Il dit est-ce que celui-là est un مبتدع, est-ce qu'on peut le nommer et dire un tel est un مبتدع pour mettre en garde la communauté contre lui et pour porter conseil à Allah, à son livre, à son envoyé, aux imams des musulmans et à toute la communauté. Voilà, le but qu'il cherche, c'est de taxer. Là, il parle de quelqu'un et d'un da'iyah qui est vraiment un da'iyah qui œuvre pour l'islam et un da'iyah de la sunna. Mais là, il veut le classer. Al-Sheikh, regarde, Cheikh Albani lui a dit, ذكر هذا في كتاب. Il dit, est-ce qu'il a parlé, est-ce qu'il a cité ça, est-ce qu'il a parlé de ça dans un livre? Il veut s'assurer, le cheikh, rahmatullah. Al-Sa'il, le questionneur. Fi amakina mutafarriqa. Il a dit ça dans des endroits dispersés. Bon, livre ou cassette, là, al-m. De toute façon, il a répondu comme ça. Fi amakina mutafarriqa. Cheikh Al-Albani, il veut s'assurer. Laysa fi kitab. Ça ne se trouve pas dans un livre. Al-Sa'il, aydan fi ba'd al-kutub. Il a dit, le questionneur a dit, ça. Il se trouve également dans certains livres. Cheikh Hassanan. Minha, Cheikh dit d'accord. Donne-moi un exemple. Minha, Sa'il, le questionneur. Huwa alladhi madaha hada. Il a dit, c'est lui qui a loué celui-là. Cheikh l'a interrompu. Il a dit, la tahid. Il a dit, ne cherche pas de faux fuyants. Ne dévie pas. Ne t'écarte pas de ma question. Il dit Cheikh la tahid. Al-Sa'il Hassanan. Al-Rajul alladhi qala hadha fi ba'd al-kutub, mathalan fi al-'adala al-ijtima'iyya aw fi dhilal al-Qur'an. Il a dit d'accord. Celui qui a dit ça, c'est-à-dire qui critique les compagnons et les prophètes, etc. Il a dit ça dans le livre Al-Adala al-Ijtima'iyya, la justice sociale, où il l'a dit dans Zilal al-Qur'an. Il s'agit en fin de compte de Sayyid Qutb. Il dit, celui-là qui dit ça, il l'a dit dans l'Adal al-Jima'iyya et dans le Coran. Lakin alladhi yamdahu wa qala anhu mujtahid wa kadhaf. Lui, il ne vise pas ces trois, il vise la personne, une autre personne. Il vise un da'iya qui a loué cette personne-là. Lakin alladhi yamdahu wa qala anhu mujtahid wa kadhaf sharit aw fi ba'd al-ashrita wa aidan shakhsun akharun. حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى. Il a dit, celui-là, bon, ce qui a été dit à propos de la critique des compagnons, des prophètes et tout, et il a été dit par quelqu'un dans le livre العدالة والاجتماعية وظلال القرآن. Mais celui qui le loue, il dit de lui qu'il est mujtahid. Il dit de cette personne-là, de l'auteur de l'Adal al-Shima'i wa Dalal al-Qur'an, il dit de lui qu'il est mujtahid. Il a dit ça dans un cassette ou dans plusieurs cassettes. Et il loue une autre personne. Il loue une autre personne qui est dans le même cas, c'est-à-dire il l'a catalogué dans le même cas que Saïd Qutb, qui a un livre, il a dit له كتاب اسمه الخلافة والملك ولو كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء. Et il a d'autres livres dans lesquels il a تكلم فيها عن بعض الأنبياء, il a attaqué certains prophètes. عن نوح مثلا فقال عنه لما قال إن ابني من أهلي قال غلبت عليه عاطفة الجاهلية. Il a dit, l'auteur de الخلافة والملك, il a dit à propos de Nuh عليه السلام, quand il a dit إن ابني من أهلي, quand il a dit mon fils fait partie de ma famille, c'est dans Sourate Hud, quand son fils mécréant s'est noyé dans le déluge, Nuh alayhi salam, il a dit inna bni min ahli, c'est mon fils, il fait partie des miens, de ma famille. Et l'auteur de Khilaf al-Mulk, il a dit, d'après les propos de cette personne, il a dit ghalabat alayhi atifatul jahiliya, il a dit, il s'est emporté par l'émotion, une émotion digne des gens de l'époque païenne. وعن يوسف إلى دي أو سجد يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إلى دي أبوبو دي يوسف كنت إلى دي الأكسلون صديق كنت إلى دي العزيز إلى دي اجعلني على خزائن الأرض شارج موا de la mission de gérer les trésors de la terre. إني حفيظ عليم, je suis un vrai gardien, je suis un savant, je suis un gardien digne et je suis un savant. Et il a dit, quand il a dit ça, l'auteur du Kitab Khilafa wal Mulk, d'après les propos de cette personne, il a dit قال هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كموسوليني في زمانيا. Il a dit, celui-là est un dictateur qui cherche le poste de dictature comme Mussolini, le dictateur de l'Italie, comme Mussolini à notre époque. الشيخ, Cheikh Albani, من الذي يقول هذا؟ Le questionneur, في كتاب الخلافة والملك للمودودي, il dit ça, celui qui a dit ça, c'est le Maududi. Il a dit ça dans كتاب الخلافة والملك. Cheikh al-Maududi, Cheikh Albani dit, c'est le Maududi, al-Maududi, ومن الذي يمدح هذا الكلام, et qui loue cette parole, c'est-à-dire qui l'approuve et la loue, et la confirme. Le questionneur, أحد الدعاة مدحهم. Là, voilà, c'est le du'at qui est ciblé maintenant. Il a dit, l'un des du'at les a loués. Cheikh Albani, لماذا لا تسميه? Il a dit, pourquoi tu le nommes pas? هل تسميته غيبة? لماذا لا تسميه? هل تسميته غيبة? Est-ce que le fait de le nommer, de le désigner par son vrai nom, est-ce que c'est de la médisance? Est-ce que c'est la riba? Assa'illa, incha'Allah, huwa Cheikh Salman, madahaw. Il dit non, Inch'Allah, c'est le Cheikh Salman. Il veut dire Salman l'Ouda. C'est lui qui l'a loué. Cheikh Al-Albani. Ana akoulu laka. Madah al-kalam amil mutakallim. Il a dit, moi je te dis, est-ce qu'il a loué les paroles, c'est-à-dire ces paroles-là, ou il a loué celui qui les a dites? Assa'il. مدحهم في أشرطة. Là, il commence à chercher des faufilles, on ne peut pas lui dire la... Il a dit, il les a loués dans des cassettes. Cheikh, esma. Fahim ta su'ali. Cheikh Alban lui dit, écoute, est-ce que tu as compris ma question? Sa'il, d'accord. Et là, Cheikh est intervenu, il dit, Aïd alayhi as-su'al. Et il dit, répète ce que je t'ai dit. Et là, un Cheikh est intervenu. Un Cheikh est intervenu, un Cheikh qui était avec le Cheikh Al-Albani, rahmoullah, il était avec lui, est intervenu, il lui a dit, Amadaha hadha al-kalam, Amadaha sahiba hadha al-kalam. Il a dit, le Cheikh te dit, est-ce que ce Daesh, Salman, a loué cette parole, ces propos, ou il a loué celui qui les a dites? Bien sûr, celui qui est intervenu, le cheikh qui est intervenu, il a été taxé de mubtadi, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Sa'il, la bel sahib hadha al-kalam. Et là, le questionneur, il a répondu, il a avoué, il a dit non, il a loué l'auteur de ses propos, ma madaha al-kalam. Il n'a pas loué ses propos, le cheikh al-Albani là maintenant. إذا مدح صاحب الكلام قد أمدحه أنا فهل معنى ذلك أنني أصوب كل ما قال؟ Il a dit, Cheikh Albani, s'il a loué l'auteur de ses propos, l'auteur de ces paroles-là, il se peut que moi aussi je le loue, je peux le louer moi aussi. Mais est-ce que cela signifie que j'approuve ce qu'il a dit? Le manhaj que je dis, le manhaj de la critique, les conditions que je dis tout à l'heure, qu'il faut regarder la personne, qu'il faut le juger en fonction de tout ce qu'il dit, de toute sa personnalité. Ahmed lui a dit, فَهَلْ مَعْنَى ذَلِكَ أَنِّي أُصَوِّبُ كُلَّ مَا قَالَ. Le questionneur, il a dit, لَا يَعْنِي هَذَا. Il dit, non, cela n'applique pas nécessairement ça. الشيخ, إِذَنْ مَاذَا تَعْنِي أَنْتَ بِهَذَا السُّؤَالِ. Il dit, où veux-tu en venir? Qu'est-ce que tu cherches? Nous savons ce qu'il cherche. Il cherche à taxer le Moubtadi, à légitimer son tabdi' par le Cheikh Al-Albani et propager ça. C'est ça leur but. Sallallahu alayhi wa sallam. إذن ماذا تعني أنت بهذا السؤال؟ السائل بلغني أن في بعض الأشرطة لبعض المشايخ أنهم ذهبوا ولا les rumeurs et les histoires comme ça. Le questionneur a dit بلغني أن في بعض الأشرطة لبعض المشايخ أنهم ذهبوا إليه وقالوا له إن فلان أي المودودي فيه كذا وكذا فقال والله لو سئلت يوم القيامة سأقول إمام ومجدد. Il lui a dit, bon voilà, il m'est parvenu, d'après certains cassettes, de certains chouïours, qu'ils sont allés le voir et qu'ils lui ont dit qu'un tel, c'est-à-dire le Maudoudi, il a tel et tel, c'est-à-dire il a tel et tel chose, quoi, tel et tel bid'a. Faqala mais le Salman, le da'i, lui a dit, Wallahi, si par Allah, si on m'interroge à son sujet le jour du jugement, je dirais que c'est un imam était un réformateur. سأقول إمام ومجدد فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا نسأل عنه الشيخ Il a dit, nous étions tombés dans la confusion et nous sommes dit, il vaut mieux que nous posions la question au Cheikh Al-Albani. Ils perdent leur temps, ils perdent le temps du Cheikh pour rien du tout, subhanallah. وقلنا نسأل عنه الشيخ. الشيخ رحمه الله, الشيخ Al-Albani lui a dit, انظر يا أخي. Suivez bien ce qu'a dit Cheikh Al-Albani. Pour montrer son ménage, qui n'est pas d'accord avec cette tendance-là. Il a dit, انظر يا أخي. أنا أنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم. Il a dit, je te conseille, toi et les autres jeunes qui suivent cette voie déviée d'après ce qu'il nous paraît, et Allah est plus savant. Je te conseille, toi, أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم ألا تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا. Je vous conseille, je te conseille, toi, je conseille les jeunes qui sont avec toi, qui suivent cette voie déviée, d'après ce que je sais, et Allah est plus savant, de ne pas perdre votre temps dans la critique, en vous critiquant les uns les autres. لا تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقول فلان قال كذا وفلان قال كذا. Il a dit, et que vous dites un tel a dit et tel autre a dit. لأنه أولا, toujours c'est le cheikh qui parle, لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء, parce que premièrement cela ne fait pas partie de la science, ne relève pas de la science. وثانيا, et deuxièmement, هذا الأسلوب يغير الصدور, Il a dit cette façon de faire, il crée des ressentiments, et il yughri al-sudur wa yuhaqqiq al-ahqad wa al-baghda'a fi al-qulub. Il a dit ça met des ressentiments, ça crée des rancunes et des hostilités dans les cœurs. Innama alaykum bil ilm. Je vous conseille d'apprendre la science. فالعلم هو الذي سيكشف هذا الكلام في مدح زيد من الناس الذي له أخطاء كثيرة. Il a dit c'est la science, c'est par la science, c'est la science qui te dévoile que tel propos dans les que qu'a dit un tel pour faire l'éloge d'un tel Zayd est bien fondé, etc., etc. وهل مثلا يحق لنا أن نسميه صاحب بدعة؟ وبالتالي هل هو مبتدع؟ Il a dit c'est la science qui nous permet de dire que un tel erreur. Et est-ce qu'il nous est permis de qualifier quelqu'un d'auteur de bid'a وهل هو مبتدع؟ De ce fait, est-ce qu'il est vraiment مبتدع؟ ما لنا ولهذه التعمقات؟ Il a dit pourquoi vous enfoncez dans ce genre de choses, vous affectez. أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق. Je vous conseille de ne pas vous approfondir et de ne pas vous livrer, vous enfoncer dans de telles choses. لأننا في الحقيقة دي الشيخ الألباني لأننا في الحقيقة نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين للدعوة الكتاب والسنة. Il a dit maintenant en vérité nous plaignons, nous souffrons de cette division qui a frappé ceux qui font la da'wa du livre et de la sunna, ou comme نقول نحن للدعوة السلفية وكم نديزون نو للدعوة الدعوة السلفية للدعوة لا prédication le fait que nous faisons la da'wa sur la voie des salaf الدعوة السلفية. هذه الفرقة والله أعلم إلى بورسويفي الشيخ ألباني وهذه الفرقة والله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوء وليس هو الخلاف ببعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي. إلى دي cette division, l'origine, la source de cette division, la cause de cette division, c'est surtout, c'est juste la passion, c'est juste le désir de satisfaire une passion qui est en soi. حظ النفس الأمارة بالسوء, النفس الأمارة لو كنت انستيغاتور دو مال دو لام كي يتونو, وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. سي ميم با اون كيستيون دو ديفيرجونس دون دون دون دي زيدي. سي سيلوي لا لو كونساي كو جو بو تو ديسبونسي. فوالا بون Voilà le conseil de Cheikh Albani qui prouve qu'il ne suit pas cette tendance-là et que ça, c'est, on le sait. Et Inch'Allah, ça sert de leçon pour certains frères. Il reste Inch'Allah une leçon. Bon, je m'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.